tu me laisses entrevoir le jour, et puis t'en vas, tu me laisses entrevoir l'amour, ouais, tu es avec. Son cri sans appel, au secours, sans même qu'on sache pourquoi. Dispensez-moi l'amour, qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court, si c'est pour si peu de bonheur. Dispensez-moi l'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Dispensez-moi l'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court. Dispensez-moi l'amour qui n'est plus à l'heure. Dispensez-moi tout court si c'est pour si peu de bonheur.